on ne partagera plus à ces images qui lentement s'effacent, à ce vide abyssal qui s'installe à leur place, aux rêves brisés, à l'espoir que s'égrènent, à mes désillusions, destin comme haleine, à l'insouciance bastion de l'irréel, à cette adolescence qu'on croyait éternelle, sans regret. Caresse